je veux t'offrir un jardin où poussent les fleurs les plus belles. Les oiseaux viendront te chanter tous ces airs que je ne connais pas. Ils m'apprendront à fredonner le chant des forêts et des bois. Toutes les mélopées de la terre qui sont comme des chants éternels. Ils m'apprendront à inventer des mélodies rien que pour toi. Moi je veux t'offrir un jardin où poussent les fleurs de l'amour, où dans le ciel chaque matin s'écrivent en grand le mot toujours. La lune réchauffera la nuit pour que plus jamais tu n'aies froid. Je te fabriquerai une couche avec le duvet des oiseaux, lorsque ton corps la touche, il ne puisse pas se blesser. Pour que ton sommeil et tes rêves soient comme tu les as souhaités. Un lit de parfums, de couleurs qui viennent caresser ta peau. Des senteurs semblables à celles du bonheur, je t'offrirai dans un écrin mon cœur comme une pierre précieuse. Je détournerai une rivière pour qu'il y ait de l'eau à chaque heure. Même tes pleurs disparaîtront et tu te sentiras heureuse. En faisant scintiller ton âme, chaque matin te réveiller avec des mots remplis de charme. J'aime tes mots, j'aime tes rires, mais voudrais pouvoir te le dire en te serrant durant la nuit, autrement que dans mes délires. Ton âme de petite fille qui passe son temps à rêver, je voudrais lui prêter la mienne pour y déposer ses chagrins. Qu'elle se remette à scintiller, pour ça je te tends les deux mains et je te prête mon épaule que tu viennes t'y reposer. Moi, je veux t'offrir un jardin où poussent les fleurs les plus belles. Les oiseaux viendront te chanter tous ces airs que je ne connais pas. Ils m'apprendront à fredonner le chant des forêts et des bois. Toutes les mélopées de la terre qui sont comme des chants éternels.